Portrait d'assaut sur Fadjet. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau portrait d'association. On sort du cadre du studio radio aujourd'hui pour aller à l'Octroi, là où se trouve l'association L'Abordé. Créée il y a 3 ans, cette association de réalisation audiovisuelle va présenter son projet de port artistique le 24, 25 et 26 mai prochains à l'occasion du festival Bon Moment. Rencontre avec Gaëlle Royer, créatrice de l'association et porteuse de projet. Au niveau de la genèse, comment ça s'est créé, L'Abordé ? L'Abordé, c'est une association d'audiovisuel. L'Abordé, c'est un groupe de corvées sur les bateaux. En fait, je suis passionnée de voile. J'ai fait beaucoup de stages de voile et donc, quand on est de bordée, on fait à manger, on nettoie les sanitaires. Enfin voilà, on se tape un peu les tâches un peu chiantes, mais dans la bonne humeur. On avait envie un peu de transposer ça ici. Et donc, ce projet-là est né vraiment d'une volonté de créer notre univers à nous, pas juste aller filmer celui des autres, puisque c'était ce qu'on faisait au début. On avait vraiment envie de partager ces valeurs-là et les valeurs et l'imaginaire marin, en fait. On est plusieurs, du coup, à être passionnés de ça et voileux dans l'équipe. Maintenant, je suis pas toute seule, donc voilà, il y a aussi ceux qui sont à la construction, au son et tout, qui font aussi de la voile. Donc voilà, on avait un peu envie d'amener tout ça. D'où le projet d'œuvre immersive. Oui, c'est ça, parce que c'est le phare et le projet, c'est le port, c'est ça ? Le projet, c'est comme un port artistique dont la pièce centrale est le phare. Et le phare, en fait, héberge vidéoprojecteurs, lumière et son. Et de là sont projetés donc ce qu'on est en train de créer en vidéo et en animation. Et les créations sonores aussi. Et en fait, il y a vraiment un gros travail de territoire. Ce projet-là, il a vraiment vocation, en fait, de refléter un vécu et la mémoire d'un territoire. Donc là, on est sur les rives de Meurthe, c'est ici que ça a été construit, c'est ici que tout le projet s'est développé depuis un an. Et donc, on a rencontré les habitants, on a été faire des collectes de témoignages autour du quartier, autour des souvenirs, des mémoires, des personnes qui ont bien voulu témoigner. Et ça nous sert, en fait, de base pour notre récit, en fait. Voilà. C'est un phare en bois qui fait 6 mètres de haut. Comme un gros Lego, en fait, il se démonte. C'est des planches qu'on assemble et je crois qu'au sol, il fait 5 mètres de diamètre, il me semble. J'ai plus toutes les dimensions en tête. Et donc au total, il y avait combien de personnes à peu près mobilisées pour faire le phare ? On est 8, on est une équipe de 8 artistes. Donc là, c'est votre premier projet, le phare et le port ? Ouais, c'est le premier projet de ce type, ouais. Comme disait Caro tout à l'heure, en fait, il y a tellement de déploiements possibles que en fait, on peut tout imaginer dans ce cadre-là. En fait, on a créé un peu un monde à nous et dedans, on y met ce qu'on a envie, en fait, de mettre ou des artistes qu'on aurait envie d'inviter. Enfin voilà, l'idée, c'est aussi que ça devienne un peu un lieu de vie et que le temps où il est exposé, où ça joue, et ben que voilà, il puisse y avoir des échanges, des rencontres artistiques et humaines, quoi. Et donc votre association, c'est quoi les autres buts derrière ? Recruter du public, vous faire connaître Ouais, c'est faire connaître aussi notre travail à travers les différents projets, quoi. Ouais, bien sûr. Puis avec Bon Moment, il y aura du monde pour voir et qui seront très intéressés aussi par l'association. Peut-être, on espère. Non mais c'est sûr que là on est vraiment sur un projet différent de ce qu'on a toujours fait. Nous on a beaucoup fait avant des after movies par exemple pour l'autre canal, pour des festivals. On travaille beaucoup dans le spectacle, enfin on travaille toujours dans le spectacle mais en tant que vidéaste. Donc là on change un peu de casquette quoi. Déjà que créatrice de l'association mais membre et réalisatrice du phare, qu'est-ce que ça représente tout ce travail pour toi ? Beaucoup de fatigue. En fait c'est vraiment une aventure. Je pense que je réalisais pas forcément en lançant ce projet, en initiant ce projet là. Je me doutais que ça allait être très gros mais je pensais pas que ce serait à ce point. Mais en fait c'est plein de découvertes, c'est des rencontres, c'est des échanges humains, en fait on apprend plein de choses. Tu vois, les images je les ai construites avec Camille, avec un des archis. Enfin tu vois, c'est aussi un échange de savoir-faire et c'est surtout beaucoup d'apprentissage et de rencontres et c'est hyper riche en fait. Les gens aussi qu'on a été rencontrés dans le quartier, c'est chouette parce qu'on se rend compte que bah, les gens ont envie aussi de raconter des choses, enfin de parler des choses qui leur tiennent à cœur. On se rend compte que les gens aiment aussi le quartier dans lequel ils vivent. Enfin, moi je trouve ça assez fou en fait. Quand on a lancé l'appel à témoignage, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus spontanément en fait nous dire bah moi j'ai envie de témoigner, j'ai envie de parler de ça parce que ça me tient à cœur ou parce que j'ai pas réussi à m'en défaire depuis mon enfance. En fait, c'était trop chouette de voir à quel point bah, le lien il se faisait bien. Ouais. Ouais. Le phare, ça remonte, c'est un travail qui remonte à quand? Quand est-ce que vous avez commencé? C'était en novembre? Non, ça fait... en fait, on l'a construit ici en novembre et on l'a présenté en novembre à l'autre canal. Mais le projet, on l'a créé, on a commencé à travailler dessus il y a un peu plus d'un an. C'était mars 2023. Mais là, on est seulement, en fait, effectivement, en train de préparer le prototype, en fait, ce qu'on va présenter à l'autre canal à bon moment, la semaine prochaine. C'est encore une étape supplémentaire de travail. L'idée, c'est que ce projet, il se construise au fur et à mesure, qu'il évolue, qu'on puisse alimenter tous les contenus, nos créations, au fur et à mesure aussi, de là où on ira. Parce que l'idée, c'est qu'il bouge aussi. Un phare itinérant. Ouais. Donc, il sera exposé tout le long de bon moment, du 24 au 26 mai, et plus précisément, il y aura quoi comme animation de prévu? Il sera du 24 au 26 mai derrière l'autre canal. D'ailleurs, ils ont nommé un peu cet espace le phare. C'est un peu comme une scène pendant la durée du festival. Et nous, en fait, notre spectacle, parce que en fait, c'est ça, hein, l'installation va jouer en fait les soirs entre 21h30 et 23h le vendredi et le samedi. Et c'est là que du coup, nous, on va donner vie à tout ça, quoi. Les lumières vont s'allumer, les voiles vont s'animer aussi. C'est des vrais voiles de bateau? C'est des voiles qu'on a récupérées, qu'on a coupées, parce qu'elles étaient très très grandes. Et bon, déjà là, elles sont grandes, mais faisait le double. Donc il y a aussi cette contrainte là, c'est que pour pas qu'il y ait trop de prise au vent sur le site, il faut qu'on s'adapte à la direction du vent. On est obligé de se mettre face au vent en fait pour avoir le moins de prise possible. Donc c'est aussi une contrainte qu'on a, on est obligé de surveiller le vent et la météo, enfin plutôt les directions du vent 48 heures à l'avance, et on peut pas du coup réellement définir l'implantation avant. Bon, on a un plan modulable quoi, mais voilà. Toute l'actualité du coup de l'aborder, où est-ce qu'on peut la suivre, les réseaux sociaux, comment ça se passe? Ouais, on est sur les réseaux sociaux, on est plutôt sur Instagram, on est un peu nul sur le reste. voilà, c'est là-dessus en fait notre actualité. À l'issue de bon moment, on verra aussi, puisque c'est vraiment le moment où on présente le projet. Donc voilà, mais l'idée c'est que ce projet-là il puisse tourner et que on puisse le diffuser sur d'autres territoires et voilà, et créer d'autres contenus avec les habitants de ces territoires-là, quoi. Vraiment, ce projet c'est un projet d'installation numérique immersif. C'est vraiment ça que je voulais quand même repréciser, parce que voilà, on est vraiment sur une œuvre immersive et où tous les éléments vont se répondre, que ce soit la lumière, le son ou la vidéo, et même la scénographie en fait. Et puis après le reste, il faudra expérimenter en vrai. Puis même immersif avec tous les témoignages que vous avez recueillis, et puis ça revient un peu au but d'une association, que ça regroupe les gens. Ouais, c'est ça, ouais. Faire du lien, et puis puis montrer aussi ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et ou d'entendre. Enfin, en vidéo, nous, on est allé chercher aussi pas mal plein de petits détails en fait du quotidien dans le quartier, comme au son en fait, où on est allé chercher le son de l'eau derrière ou des feuillages, mais c'est quelque chose d'aller se pencher un peu sur les détails de tout ce qu'on a autour de nous et de les voir autrement en fait. Merci Gaëlle Royer pour la présentation de l'association L'Abordée, association que l'on retrouvera le 24, 25 et 26 mai prochain à l'autre canal pour le festival Bon Moment. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve à très bientôt pour un nouveau portrait d'association. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.